Tu le sais, je n'ai plus la mémoire. J'ai le train qui m'emporte et le vaisseau géant. J'ai le ciel infini, les portes du néant. Et le cœur de l'âme où vient boire. Souffle impalpable, vivre un espoir illusoire. Songer les qui franchit l'espace un court instant. Si petite et le rêve est trop grand. Jamais je ne connais la fin de leur histoire. Peupler mon Éden, j'ai le son de ta voix. La clarté de tes yeux et ton sourire parfois. Quand le soir lentement le soleil va s'éteindre. Souvent je me surprends seul. Je ne peux pas t'éteindre. Pourtant ce que j'entends, c'est le bruit de tes pas. Pourtant ce que j'entends, c'est le bruit de tes pas. Thank you. ce que j'entends, c'est le bruit de tes pas. Car ce que j'entends, c'est le bruit de tes pas. Se ressemblent quand ils sont pétris de douleur. Les minutes qui les assemblent sont lourdes, tristes, sans couleur. Parfois j'entrevois, il me semble, un pâle rayon, une fleur. Je m'apprends chez ma main qui tremble, ne saisit que l'ombre d'un pleur. Ne saisit que l'ombre d'un pleur. Thank you. C'est l'oiseau perdu dans les bois, la maison qui n'a plus de voix, c'est le Noël avec ses flammes, rire d'enfant, baiser de femme, c'est la nuit et ses lampions, les stades et leurs champions. Heure de joie, heure de peine, c'est le tic-tac de l'âme humaine. Heure de joie, heure de peine, c'est le tic-tac de l'âme humaine. C'est le tic-tac de l'âme humaine. C'est le tic-tac de l'âme humaine. Heure de joie, heure de peine. Le tic-tac de l'âme humaine. gonna roll. Don't give me too sick. Prepare myself. Brace. Prepare myself. Just a brace. Right. Thank you.